إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Nous poursuivons l'explication du livre intitulé « L'exposé de la Sunna » de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et dans le cours dernier, nous avons terminé l'explication du affar de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, aucune excuse pour celui qui commet un égarement en pensant que telle est la guidée, ni même pour celui qui délaisse la guidée en pensant que c'est un égarement. Néanmoins, il nous reste à traiter un sujet important qui est est-ce que les versets qui sont similaires à ce affar s'adressent également à celui qui s'écarte de la vérité et la rejette? Que ce soit celui qui s'écarte de la vérité après qu'elle lui soit apparue, ou encore celui qui s'écarte de la vérité par fanatisme, alors qu'il avait la possibilité de chercher la vérité. Et parmi les versets qui sont similaires à ce affar, nous avons le verset 30 de sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahum uttakhadhu shayateen awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun » Tandis que les autres méritent l'égarement pour avoir choisi les démons comme alliés en dehors d'Allah, tout en pensant être bien guidé. Ou encore sa parole, Azza wa Jal, dans sourate La Caverne, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dis, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, et qui croient cependant agir en bien. Est-ce que ce genre de versets sont pour ceux qui rejettent la vérité et qui s'en écartent, et pensent que cet égarement est une guidée, ou délaissent la guidée en pensant que cette guidée est un égarement, comme ce fut le cas pour le affar de Omar? La réponse à cette question est oui. Et la preuve à cela réside dans le verset 36 de sourate L'Ornement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيُّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ » Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Les démons empêchent ceux qui agissent ainsi de suivre le droit chemin, alors que ces derniers se croient bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala a châtié celui qui se détourne de son rappel. Que ce soit celui qui a connu la vérité et la délaisse, ou celui qui avait la possibilité de chercher la vérité mais la délaissée. Et Allah lui assigne un démon qui devient son compagnon inséparable et lui fait prendre les voies de l'égarement. Et l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a une recherche très intéressante dans ce sujet. Dans son livre intitulé Miftah Dar al-Sa'ada, et il mentionne que celui qui n'est pas excusé et celui qui se détourne, quant à celui à qui le prêche ne lui est pas parvenu et ne connaît pas la vérité, il sera certes excusé. En résumé, dans le cours précédent, nous avons appris trois choses dans ce sujet. La première est que ceux qui ont vécu entre le prophète Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à qui le prêche ne leur est pas parvenu seront excusés. Néanmoins, ce ne sont pas tous ceux qui ont vécu à cette période qui sont excusés. Seront excusés uniquement ceux qui n'auront pas reçu le prêche. Et la preuve à cela est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que ses parents étaient mécréants et qu'ils sont en enfer alors qu'ils ont vécu à cette époque. La deuxième chose que nous avons appris dans le cours dernier est que ceux qui ont vécu après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais n'ont pas entendu parler du prêche, leur jugement est le même que ceux qui ont vécu entre l'époque du prophète Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas entendu le prêche. La troisième chose est que les musulmans vivant dans des endroits reculés et coupés du monde, ainsi que ceux qui viennent de se convertir à l'islam, qui viendraient à rejeter certaines choses de la religion apparente et notoire, la base, et qu'ils seront excusés. Au contraire, de ceux qui vivent au milieu des savants et des étudiants en sciences, la base, et qu'ils ne seront pas excusés. Néanmoins, s'ils rejettent quelque chose de la religion qui ne leur est pas parvenu, ils seront alors excusés. Et il se peut que tu trouves dans certains livres de savants de notre époque que personne n'est excusé par l'ignorance. Certains savants de la Sunna sont de cet avis, tandis que d'autres sont d'avis contraire. Néanmoins, il n'y a pas de contradiction dans cela. Car ceux qui sont d'avis qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance disent que l'islam est devenu répandu, à tel point que tout le monde peut connaître l'islam à travers Internet ou autre. Par conséquent, selon eux, celui qui ignore quelque chose apparent et notoire de notre religion n'est que le résultat de sa négligence. Tandis que ceux qui sont d'avis que la personne peut être excusée par l'ignorance ont détaillé ce sujet et ont dit que celui qui vit dans une région éloignée ou qui vient de se convertir à l'islam sera excusé. Et ceci sera la base. Quant à celui qui vit dans un endroit où il y a des savants ou encore des étudiants en sciences, la base et qu'il ne sera pas excusé. Cependant, il est certes bon de savoir que les imams du prêche salafi, depuis l'époque de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, sont d'avis que la personne peut être excusée par l'ignorance. Dans certains livres, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab mentionne clairement qu'il ne rend pas mécréant ceux qui adorent certaines idoles, ou ceux qui font le tawaf autour de certaines tombes, car ils sont ignorants. Et il en est de même pour ceux qui sont venus avant l'époque de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ibn al-Qayyim, ainsi que d'autres savants. Et Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a détaillé le sujet de l'excuse par l'ignorance d'une très bonne manière. Et en résumé, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde que les pays sont de trois types. Le premier type de pays, ce sont les pays musulmans, où l'islam et le tawhid sont répandus. Et là où les savants sont nombreux. La base est que ceux qui contredisent la législation dans ce genre de pays ne seront pas excusés. Car dans ces pays, la science est propagée et le tawhid est apparent. Par exemple, en Arabie Saoudite, les savants sont nombreux et le tawhid est enseigné à l'école. Donc la base est que celui qui ignore qu'il est interdit, par exemple, d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera pas excusé, car son ignorance est due à sa négligence. Le deuxième type de pays, ce sont les pays où le polythéisme et les innovations sont propagées d'une manière apparente et cachée, et où les habitants ne peuvent pas forcément atteindre la vérité. La base est que les habitants de ces pays seront excusés. Le troisième type de pays sont les pays où ce qui est apparent, c'est l'islam, et ce qui est caché, c'est la mécréance et les innovations. La base dans ce genre de pays est l'excuse par l'ignorance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit: sache, qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion n'est que ce qui est venu d'Allah. Elle n'a pas été établie en fonction de la raison et des opinions des gens. Et sa connaissance est auprès d'Allah et son messager. En effet, cette religion vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a révélée à ses prophètes, qui l'ont transmis aux autres créatures. Et il y a de nombreuses preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. Il vous a institué en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous te révélons, ainsi que ce que nous avions enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, observez les prescriptions de la religion. Observer les prescriptions de la religion. Et nous avons également le hadith rapporté par Ibn Majah, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le défunt sera mené vers la tombe. L'homme pieux s'assoira sans être apeuré. Ensuite, il lui sera dit: sur quelle religion étais-tu? Il répondra: j'étais sur l'islam. Puis il lui sera dit: quel est cet homme? Et il répondra: Mohammed. Il est venu à nous avec des preuves évidentes venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons cru en lui. Donc ces preuves sont explicites quant au fait que la législation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'auteur dit « sache que la religion », il faut savoir que la religion englobe le Coran et la Sunna, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a tous deux fait descendre. Il dit à ce sujet, Azza wa Jal, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Et rappelez-vous les bienfaits dont Allah vous a comblé, ainsi que le livre et la sagesse. L'imam al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé « Fath al-Qadir », je cite, « Le livre, c'est le Coran, et la sagesse, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et l'imam al-Hamidi a dit dans son livre intitulé « Al-Bahr al-Muhit » que l'imam al-Shafi'i a déclaré que la sunna est descendue tout comme le Coran. Et il a donné comme preuve le verset dans Sourate An-Najm, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'emprise de passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et lorsque l'imam al-Barbahari a dit, elle n'a pas été établie en fonction de la raison et des opinions des gens, il y a de nombreuses preuves indiquant que les deux sources de notre religion sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non la raison des gens ou leur opinion. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran de faire prédevancer la raison et l'opinion au Coran et à la Sunna, tout comme il nous a interdit de contredire la législation avec notre raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun » Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun maître en dehors de lui. L'imam al-Qurtubi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous dit concernant ce verset, ceci montre qu'en l'existence d'un texte, il n'est pas permis d'adopter une autre parole. Par conséquent, il est obligatoire de suivre le Coran et la Sunna et de juger avec. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Anihkum baynahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Juge donc entre eux, d'après ce qu'Allah t'a révélé. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne t'écartent d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. S'ils se détournent, sache qu'Allah veut les châtier, ainsi pour une partie de leurs péchés. Et la plupart des hommes sont dévoyés. Est-ce uniquement le jugement du temps de l'ignorance qu'ils recherchent? Qui est le meilleur juge qu'Allah pour des gens qui croient avec certitude? Et le jugement du temps de l'ignorance est le suivi des passions, des opinions et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre ses jugements. Également Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullah Inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager. Craignez Allah. Allah entend et sait tout. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit ses serviteurs de faire passer leurs passions et leurs opinions avant le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie l'obligation de revenir au Coran et à la sunna lors des troubles et des divergences et de ne pas revenir à sa raison et à son opinion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction rapprochée, ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci sera meilleur pour vous dans le présent et de meilleurs aboutissements. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » Il dit selon le sens rapproché « Concernant toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc celui qui revient à sa raison ou à son opinion et la prend comme juge aura certes rendu caduc le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous ordonne de revenir au Coran et à la Sunna et non pas de prendre la raison et l'opinion comme juge. Et le fait de revenir à son opinion et à sa raison ne fait qu'accroître les doutes et les divergences. Et ce principe était connu des compagnons et des pieux prédécesseurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu le pacte d'Al-Hudaybiyya avec les mécréants, beaucoup de compagnons n'ont pas aimé ce pacte, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et Sahl Ibn Hunayf, qu'Allah l'agré, faisait partie de ceux qui n'ont pas aimé ce pacte. Il dit, radiallahu an, ô vous les gens, méfiez-vous de votre opinion concernant votre religion. Je me suis vu le jour de Abu Jandal, c'est-à-dire le jour d'Al-Hudaybiyya, dans un état tel que si j'aurais pu contrevenir à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais fait. Néanmoins, après avoir vu le bien découlant de ce pacte, ceux qui n'ont pas aimé le pacte d'Al-Hudaybiyya reconnurent qu'il faut se méfier de son opinion et que si elle contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était obligatoire de la délaisser. Également, nous avons la parole de Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agré, qui a dit: si la religion était fondée sur la raison, le dessous serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Mais j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquer l'essuyage sur le dessus de ses choufs. En résumé, la religion est le Coran et la Sunna. Et se cramponner au Coran et à la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, est une préservation aux divergences et aux dissensions. Quant au fait de se baser sur la raison, ceci est une cause de divergence. Et c'est une cause également de dissension. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.